Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Ce que d'abord vous nous montrez, voyage, c'est notre ordure lancée au visage de l'humanité. Cette apostrophe célèbre de Claude Lévi-Strauss est tirée de Triste Tropique, œuvre décisive parue en 1955. J'essaye de témoigner pour des sociétés disparues ou prêtes de disparaître. J'essaye de conserver présent la mémoire des hommes de notre civilisation et de civilisations de l'avenir, des genres de vie profondément différents de ceux que nous connaissons. Si j'ai choisi de vous parler de Lévi-Strauss aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'il est considéré comme le plus grand anthropologue de son temps, mais surtout parce qu'il est au cœur des mouvements intellectuels français du XXe siècle et que la méthode épistémologique qu'il propose a fait évoluer notre regard sur les civilisations non européennes. Claude Lévi-Strauss, né au début du XXe siècle dans une famille d'artistes peintres, est devenu ethnologue au Brésil. Dans les années 30, il monte plusieurs expéditions difficiles dans le Mato Grosso et en Amazonie, étudie les Indiens Kaduveo, Bororo, Nambiguara et Tupi-Kawai. Son projet, étudier comment vivent ses semblables et en retirer des règles permettant de dévoiler les structures inconscientes qui régissent le fonctionnement des sociétés. Chacun de ses livres, écrit l'un de ses biographes, Catherine Clément, est un recueil de pensées qui force l'intelligence à s'ouvrir et une sorte d'évangile laïque qui aide à s'émouvoir devant la vie. Les structures élémentaires de la parenté, sa thèse publiée en 1949, La pensée sauvage en 1962, ou encore les mythologiques, des livres qui sont déterminants tant la profondeur de réflexion conduit à réfléchir sur l'organisation et la richesse des populations primitives du Brésil, mais au-delà, sur toutes les formes d'organisation sociale. Dès le début des grands voyages de découverte, et même bien avant d'ailleurs dans l'Antiquité gréco-romaine, il ne faut pas oublier, enfin qu'Hérodote a été le premier grand ethnologue, mais à part quelques rares curiosités comme la sienne, ces peuples, du fait qu'ils étaient très différents de nous, on leur déniait la qualité d'être humain. Dans cette série sur l'histoire culturelle de la France, je me dois de citer sa définition de la culture. Toute culture peut être considérée comme un ensemble de systèmes symboliques, au premier rang desquels se placent le langage, les règles internationales, les rapports économiques, l'art, la science, les religions. Tous ces systèmes visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les relations que ces deux types entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres. De cette pensée est née une théorie très florissante à la fin du XXe siècle, le structuralisme. Il s'agit au départ d'une méthode empruntée à la théorie des jeux. Lévi-Strauss fit appel au mathématicien André Weil pour clarifier les relations familiales et étudier le mythe d'Édipe dans cette perspective. C'est l'époque où, quelque temps plus tard, Michel Foucault publie l'histoire de la folie à l'âge classique qui met en perspective la mise à l'écart des fous dans la pensée occidentale. C'est une autre façon d'aborder la philosophie. L'étude de la société était jusqu'alors sous l'emprise de Sartre, philosophe de la liberté. Lévi-Strauss est accompagné de sociologues comme Roland Barthes, dont les mythologies, le système de la mode ou le fragment du discours amoureux apportent une nouvelle façon de réfléchir. Lacan, de son côté, crée un nouveau courant psychanalytique où l'étude du langage et le pouvoir des mots constituent le cœur de la cure thérapeutique. Écologiste avant l'heure, il s'inquiétait de la destruction de la nature et ne dissociait pas la nature de la culture, qui est au cœur de son observation sur les sociétés primitives qu'il abordait avec humilité et respect. Il n'est pas étonnant dès lors que le musée du Quai Branly, consacré aux arts premiers, ait été inauguré en sa présence et ait donné son nom à l'amphithéâtre principal du musée. La réhabilitation en tant qu'artiste et artisan d'œuvres liées à leur mode de vie, des hommes et des femmes de ces pays massacrés par la colonisation et la civilisation occidentale, n'est pas la moindre conséquence des travaux de Claude Lévi-Strauss. Avoir redonné droit de cité aux cultures, passées et actuelles, à tous ceux qui constituent la diversité de notre monde.